De retour à Futur Simple, c'est François Grégoire qui vous parle. Ça n'a rien de bien nouveau. Au cours de la dernière décennie, une vague de milliers de produits verts et écologiques a déferlé sur les tablettes de nos magasins. De nombreux produits de consommation, du savon à la voiture en passant par le bois de chauffage, se targuent désormais d'être verts et, en fait, est bon pour l'environnement. Mm-hmm. Alors, pour traiter de la question, je reçois notre nouvelle chroniqueuse, Christiane Dupont. Bonjour, Christiane. Bonjour, François. Alors, Christiane, est-ce que ce phénomène d'étiquetage vert partout a seulement du bon et est-ce qu'on peut faire confiance à leurs allégations? Eh bien, malheureusement, la réponse est... comme les gens s'en doutent, là, c'est malheureusement pas très clair. Il y a beaucoup d'améliorations dans la composition de beaucoup de produits depuis les dernières années, mais il y a beaucoup de travail à faire. Donc, le thème aujourd'hui, dans cette période de consommation effrénée, je crois, dans le temps de Noël, c'est l'éco-blanchiment, le greenwashing. Donc, je me suis penchée sur un rapport qui a été publié par un organisme canadien qui est spécialisé en marketing environnemental, qui sort un rapport à chaque année sur l'éco-blanchiment, le greenwashing. Pardonnez-moi l'anglicisme, mais l'expression est un peu plus appropriée qu'éco-blanchiment. Et c'est un rapport qui est publié annuellement sur où est-ce qu'on en est en Amérique du Nord, au Canada aux États-Unis, sur l'étiquetage vert. Donc, en 2007, il y a eu un premier rapport qui a été émis là-dessus. Et dès 2008, le Bureau de la concurrence du Canada a réédité ses lignes sur les prétentions écologiques. Parce que, par exemple, la publicité, les étiquetages, c'est régi par des lois au Canada, comme en alimentation. On ne peut pas dire n'importe quoi. Alors que dans le domaine écologique vert, c'est beaucoup plus flou. Hein? Alors, ils ont beaucoup de latitude et puis... ils en profitent. Exactement. La presse grand public fait maintenant état de ce phénomène-là du greenwashing. Donc, c'est un peu moins pire, je dirais, mais il y a encore beaucoup de progression à faire pour mieux cibler les ressources. Donc, pas vers une meilleure pub, mais bien vers de meilleurs produits. Ce qui est en fait que du marketing. Là. Oui, exactement. Alors, comment pourrait-on définir le greenwashing ou encore en français l'éco-blanchiment? L'éco-blanchiment... en quelques lignes, c'est un procédé de marketing utilisé par une organisation, là, souvent par des compagnies, mais ça peut être une organisation d'un événement, n'importe quoi, qui, dans le but de donner à l'opinion publique une image écologique, alors que l'argent est investi dans la pub et non pas dans de réelles actions dans l'environnement, non pas pour développer un produit meilleur, mais juste pour le faire paraître meilleur. C'est donner une impression de nature, de verdure. Et ça, comme conséquence, une désinformation du consommateur. Nous, on regarde ça, puis on est mal informé. Oui, tout à fait. Et c'est, petite parenthèse, c'est aussi un phénomène qu'on peut retrouver en politique. Hein. Il y a beaucoup d'expressions qui sont galvaudées, comme le fameux développement durable. Tu veux tout dire maintenant, effectivement. Ah oui, dans une perspective de développement durable, point. Hein. Oui. C'est souvent ça dans la fin d'une phrase. On fait des mines sous avec ce prétexte. Oui, avec le développement durable, mais qu'est-ce que c'est exactement, bouf? Biodiversité, c'est bon pour la biodiversité. La biodiversité, c'est quoi? C'est la vie en général, hein? Fait que c'est bien, bien large. Le mot écologique, le mot gouvernance, le mot naturel. Le mot équitable. Équitable. Il y a beaucoup d'expressions qu'on utilise à toutes les sauces et qui manquent de définition. Et pour le consommateur, ben, on est tout mélangé. Alors, Christiane, concrètement, qu'est-ce qu'une compagnie ou une organisation fait pour qu'on qualifie sa publicité d'éco-blanchiment? D'éco-blanchiment. Bien, le rapport dont je vous parlais antérieurement de Terra Choice, ça définit 7 péchés de l'éco-blanchiment selon l'étiquetage. Alors, le premier. Le premier, c'est le péché du compromis caché. Donc, ça laisse croire qu'un produit est vert en se basant sur un nombre qui est un peu trop restreint de critères. Hein? Si on parle juste d'un, ça a l'air très vert, mais on ne regarde pas le portrait global. Comme par exemple, on ne peut pas dire qu'un papier mouchoir est mieux parce qu'il provient de forêts durables. Uh-huh. Oui, c'est un beau point, mais il y a quand même eu de la déforestation, il y a eu de la pollution, il y a eu de l'énergie. Donc, on voit juste un petit côté de la médaille. C'est la fête. Exactement. Il y a aussi le deuxième péché, l'absence de preuves. Souvent, il y a des prétentions. Mais on ne peut pas aller voir, même si je voulais chercher sur le site Internet de la compagnie, chercher la documentation, ce n'est pas accessible. Comme par exemple, des papiers mouchoirs avec un certain pourcentage de papier recyclé. Comment est-ce qu'on peut prouver ça? On ne peut pas le savoir. Le péché d'imprécision, ça, c'est très fréquent. Des termes vagues, comme le mot « naturel ». Hein? De l'uranium, c'est naturel. De l'arsenic, c'est naturel. Même du formaldéhyde. Du formaldéhyde, c'est naturel. Ça ne veut pas dire que c'est bon pour la santé. Non. Ça ne veut pas dire que c'est vert. C'est un fait. Non, vraiment pas. Alors, voilà. Il y a aussi le péché de non-pertinence. Le péché de non-pertinence qui est... un péché de non-pertinence qui est... un étiquetage qui est sans importance, qui est inutile. Comme par exemple, les CFC. On dit que c'est sans CFC alors que c'est interdit depuis de nombreuses années. Il y a aussi, je vais aller un peu plus rapidement, un péché des moindres des deux mots, c'est-à-dire un péché où c'est des prétentions véridiques, mais qui ne sont pas pertinentes, comme des cigarettes biologiques ou des VUS économiques en carburant. Ouais. Donc, en fait, juste une petite chronique pour expliquer le greenwashing, qui est, il faut juste, en tant que consommateur, essayer d'avoir les yeux ouverts et de ne pas se laisser aveugler par toutes les prétentions qu'on peut voir là, sur les étiquettes. Et est-ce qu'il y a une évolution avec une plus grande sensibilisation au public? Oui, l'offre de produits verts a bondi depuis les dernières années. Il y en a beaucoup plus qu'avant, sauf que il y a encore beaucoup de travail à faire, puis c'est les consommateurs qui ont le gros bout du bâton. Oui, parce qu'effectivement, acheter, c'est voter. Hein. Oui. On l'oublie. Oui, c'est vraiment important. Donc, c'est à nous à faire des efforts et en espérant que les compagnies... sachent écouter les consommateurs et finissent par améliorer leurs produits, non pas juste leur campagne de pub, en prenant les consommateurs pour des gens peut-être pas assez allumés, je dirais. Et Christiane, très rapidement, comment on pourrait se repentir de ces péchés écologiques, rapidement? Bien, les compagnies, la solution, c'est de se fier à des homologues, à des étiquettes. Il y a des instituts qui ont des vraies étiquettes d'homologation avec des normes et des lois, donc la compagnie doit... se fier là-dessus, sur ces normes-là, et expliquer ses prétentions clairement. Donc, ce seraient les deux grands points que les industries devraient faire pour... en plus, d'ailleurs, et encore le rôle du consommateur afin de faire des choix éclairés et de bien lire les étiquettes. Ça demande de décortiquer, mais on n'a pas le choix. Effectivement. Alors, merci, Christiane Dupont. Alors, on va essayer de faire des choix plus intelligents. Oui, en fait, dans le cadre de la consommation, c'est ça, en étant plus critique, effectivement. Très critique. Alors, restez à l'écoute. Je reviens avec le mot de la fin.